Bonjour amis Bélier et ascendant Bélier, je suis heureuse de vous retrouver pour votre oracle de Béline Amour pour le mois de janvier 2024. Alors, quel va être le petit tirage de l'oracle de Béline pour les Béliers Amour janvier 2024? Quel va être le conseil de l'oracle de Béline? Alors, la coupe, elle indique beaucoup de discussions et qui peuvent apporter un apaisement. Donc on va voir, hein. La coupe, elle colore le jeu. On va surtout voir le tirage. Donc, Bélier, janvier, amour 2024. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2024. Très beau début d'année. Et on va voir, j'en ai oublié une. Que va être votre tirage du mois de janvier? Alors, bah écoutez, si vous êtes en couple, si le couple allait bien, il y a de toute façon, en tout début d'année, sans doute les fêtes, peut-être le réveillon, qui apporte beaucoup de joie de vivre, et surtout qui rend, l'atmosphère rend beaucoup de fluidité dans la communication. Alors par contre, il y a un petit malaise malgré tout qui plane. Peut-être que vous ressentez, ami Bélier, vous n'êtes pas en pleine forme là, au mois de janvier, je dirais, et vous avez un peu de mal à vous consacrer à l'autre, mais malgré tout, vous voyez la paix règne sur votre union, sur votre lien avec l'autre. L'autre est prêt à vous aider, à être pieds et poings liés à vous aider, même si vous n'êtes pas en forme. Donc ça, c'est positif. Si vous êtes en couple et que ça n'allait pas, on dirait que vous allez pendant les fêtes avoir une meilleure communication, et malgré la mauvaise ambiance qui règne entre vous, eh bien la paix est en train de s'annoncer grâce à des liens quand même assez profonds qui sont entre vous, et donc il n'y a pas de rupture annoncée. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Et enfin, si vous êtes célibataire, eh bien il y a pas mal, peut-être une rencontre possible, mais je la vois plus amicale, la rencontre. Il y a beaucoup d'amis, de rencontres amicales autour de vous début janvier. Et bon, c'est vrai que de côté cœur, vous n'êtes pas des plus emballé pour l'instant, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup, mais malgré tout, on vous dit de garder la paix du cœur, la paix de l'esprit, pas parce que vous allez de toute façon trouver une personne qui vous correspondra et être en couple et trunier à quelqu'un, mais ce n'est pas tout de suite. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier et un beau début d'année. À bientôt.